Chapitre 10e. C'était sans qu'ils s'en eussent parlé entre eux, sans invitation aucune, sans acceptation, que l'habitude s'était trouvée prise, que M. de Mussidan déjeuna et dîna tous les jours chez sa voisine. Tous les soirs, après dîner, elle lui posait la même question « Que voulez-vous pour demain ?» Et tous les soirs, il lui faisait la même réponse « Peu de choses, un rien. Mais je vous en prie. Non, ce que vous voudrez. » À son grand regret, elle n'en pouvait pas tirer davantage. Il avait la prétention de pousser sur ce point la discrétion jusqu'à l'extrême. Ce ne serait pas lui qui entraînerait cette brave fille dans des dépenses inutiles. Sans doute la cuisine simple et plus que primitive qu'elle faisait, le pot-au-feu, un beefsteak, une côtelette, un morceau de foie sauté, un lapin à la casserole, n'était pas pour lui plaire. Mais il se fut fait un cas de conscience de le lui dire. Cela n'eût pas été d'un galant homme. « Ce que voudrait, peu de chose, un rien. » Et c'était toujours de belle humeur qu'il mangeait ce peu de chose, même quand il le trouvait exécrable. N'est-ce pas par ces petits côtés de la politesse que s'affirme le mieux l'honnête homme? Lui dire que sa côtelette était coriace, que son lapin sentait le graillon, trouvait le vin sûr, allons donc. Au contraire, il s'appliqua à tout louer. Excellente la côtelette, tendre et succulente, aussi bien cuite que bien choisie. Délicieux le lapin. Comment donc se procura-t-elle d'aussi bon vin? De même, il s'appliquait à égayer ses repas et à les assaisonner d'un aimable entrain. Il en était de sa conversation comme de sa cuisine, un peu simple, un peu bien primitive, il devait se mettre à sa portée tout en la relevant un peu. Ce n'était pas sa faute. Elle n'avait rien appris, elle n'avait rien vu. Heureusement, le fond était bon. Il ne lui manquait que d'être cultivée. Elle avait du bon sens, de l'intelligence. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour comprendre. En cela, il ne se trompait pas. Non seulement pour comprendre, mais encore pour sourire, pour s'émouvoir, pour applaudir, pour montrer combien elle était touchée et reconnaissante de ce qu'il faisait pour elle. Elle sentait bien que c'était par politesse, par générosité, qu'il trouvait sa côtelette tendre et son vin excellent. Elle sentait bien aussi que c'était pour elle qu'il soutenait ainsi la conversation, variant les sujets et les choisissant toujours de façon à l'intéresser. Et tandis qu'il parlait, elle oubliait souvent de manger, le regardant, l'admirant, aussi touché de ce qu'il disait que de la façon dont il le disait. Il savait donc tout, il avait donc tout vu, les pays, les choses et les hommes, qu'il raconta une histoire se passant en Égypte, en Russie, en Amérique, il y avait été. Le roi Louis-Philippe, il l'avait connu. L'empereur Napoléon III, il avait été son ami à Londres, quand celui-ci n'était que le prince Louis. Il avait monté un cheval qui lui avait été donné par une impératrice. Des comédiens comme Lafont, comme Bressan, lui avait demandé ses conseils pour s'habiller. Horace Vernet l'avait mis dans plusieurs de ses tableaux. Dubuff avait fait son portrait. Là-dessus, il avait des histoires intarissables qu'il racontait avec une verve amusante et dans lesquelles il remplissait toujours le premier rôle. On le lui avait demandé, il avait répondu. Au moment décisif, il était intervenu d'une façon presque miraculeuse. Et ce qu'il y avait d'admirable, c'est que jamais on ne pouvait le soupçonner d'arranger les choses à son avantage. Évidemment, ce qu'il racontait, il l'avait vu, ou il l'avait fait, cela sautait aux yeux, cela s'imposait pour elle, qui ne pensait pas se demander ce qu'on avait pu ajouter après coup à ses récits pour les rendre plus saisissants et surtout plus vrais. Quel homme était-il donc, cet ami d'un roi, d'un empereur, d'une impératrice, ce modèle des grands comédiens, cet inspirateur des grands peintres? Elle restait devant lui, bouche béante, non seulement par admiration, mais encore par prudence, n'osant point parler elle-même, de peur de dire quelque niaiserie ou de lâcher quelque grosse ignorance. Et cependant, souvent il lui semblait qu'elle pourrait répondre, comme si elle comprenait, comme si son esprit s'ouvrait à des idées auxquelles elle serait restée étrangère jusqu'à ce jour. Mais elle ne devait pas ainsi se fier à son intelligence. C'était parce qu'il parlait bien, c'était parce qu'il descendait jusqu'à elle, et non parce qu'elle s'élevait jusqu'à lui, qu'elle comprenait. Comme elles étaient remplies, ces heures des repas et de la causerie, comme elle lui suggérait des sujets de pensée, de rêverie, de souvenirs, quand elle restait seule dans la journée, tandis qu'il faisait sa promenade ordinaire, ou le soir, quand il s'allait coucher ou qu'elle continuait son travail. Quel changement dans sa vie, comme le présent ressemblait peu au passé. Depuis la mort de sa mère, elle était restée seule, n'ayant personne dans son intimité, personne avec qui s'entretenir, à qui confier ses tristesses ou ses joies. Certainement, ses vieux amis, les limoniers, étaient bons pour son cœur. Elle était heureuse quand elle pouvait les voir. Elle savait qu'elle pouvait compter sur eux, sur leur affection, sur leur dévouement. Mais dans leur conversation, c'était toujours le même ordre d'idées qui défilait. Et ces idées ne tournaient que dans un cercle étroit, absolument personnel. Pour eux n'existaient que les gens qu'ils connaissaient. C'était un événement considérable dont ils parlaient pendant plusieurs mois que le déménagement de Madame Durand. Et la mort de Monsieur Lucas, quelle affaire! Et le mariage de Mademoiselle Le Rouge, qui aurait cru cela? Il y avait aussi la gelée, et puis la sécheresse, et les inondations. N'était-il pas curieux que ce qui s'était passé en Égypte ou en Turquie bien des années auparavant la touchât plus que ce qui venait d'arriver rue des Abbesses? N'était-il pas extraordinaire que des idées générales eussent plus d'intérêt pour elle que celles qui s'appliquaient à des choses qui lui étaient familières? Il y avait là comme une initiation à des pensées nouvelles, comme une introduction dans un monde inconnu, qu'elle l'avait plus d'une fois vaguement pressenti, mais sans le voir jamais. Ce n'était pas uniquement l'esprit qui s'éveillait en elle à des idées nouvelles, c'était encore la femme qui entrait dans un ordre de sentiments jusque-là ignoré. Jamais il ne l'abordait sans lui adresser un mot aimable et gracieux. Chaque jour il avait un compliment nouveau pour elle, et si bien dit qu'elle ne pouvait qu'en être touchée sans s'en effaroucher jamais. Tantôt à propos de ses cheveux dont il louait la finesse, tantôt à propos de son regard dont il admirait la douce expression, tantôt à propos de sa robe qui lui allait bien et la montrait tout à son avantage. Quelquefois il lui rapportait des violettes. Ce n'était qu'un bouquet d'un sou, mais c'était un bouquet, et jamais un homme ne lui en avait offert. Et puis, il avait une façon de l'offrir qui en faisait le plus beau bouquet du monde. Il n'eut pas eu certainement d'autre manière avec ces belles femmes, ces belles dames du monde, dont il lui parlait souvent. Il n'eût pas été plus aimable, plus gracieux pour elles. Il ne les eût pas traitées avec plus de galanterie. De tous les sujets qu'il abordait dans leurs entretiens, c'était celui-là qui la remuait le plus profondément. Comme elle l'écoutait lorsqu'il lui expliquait comment les femmes savaient plaire, comme elle était attentive et réfléchie lorsqu'il lui disait que la femme n'était pas faite pour travailler, mais pour charmer. Et comment charme-t-elle? C'était la question qu'elle lui répétait toujours. Alors il lui expliquait, ou plutôt il racontait des histoires. Il citait des faits, des exemples, qu'il expliquait d'une façon autrement saisissante, autrement vivante, qu'il n'aurait pu le faire par de froides déductions. À la vérité, jamais il ne disait « C'est ainsi que telle chose s'est passée avec moi ». Et là-dessus, il se tenait renfermé dans une certaine discrétion, au moins en parole, car ses sourires, ses regards, ses ports de tête, ses clignements d'yeux, et surtout la façon dont il se renversait dans son fauteuil, en gardant un silence recueilli, avaient leur éloquence. Mais ce qu'il ne disait point, elle le disait elle. C'était lui, c'était à lui que ces femmes avaient voulu plaire. Comme elles avaient été heureuses, celles qui avaient réussi, et comme elles avaient été désespérées, celles qui avaient échoué. Et pendant qu'il parlait, elle le regardait, oubliant de travailler, baissant les yeux aussitôt qu'il relevait les siens. S'il avait osé, elle l'aurait interrogé pour en apprendre davantage. Mais quand il se taisait, elle restait muette, réfléchissant, tirant son aiguille plus lentement.